Le démon ils ont, ce bâtard ils font dans la médisance. Vas-tu assumer jusqu'au bout si ton poteau il prend 10 ans. Ils sont tous devenus bizarres alors moi j'ai pris mes distances. Le pote fichier neuf, chaque fois qu'il dit j'arrive il met 10 ans. Il fait tout le temps le mec chaud mais quand il faut y aller il hésite hein. Ils aimeraient savoir si je touche plus de sous que monsieur le président. Le sang donne pas de go, tu vas finir ta vie en rôtissant. L'autre il est rentré en chien, ça aurait pu l'aider en cotisant. Je sais pas moi j'ai jamais changé, en m'alcoolisant. Ils lui font la bise dès qu'il part, ils pensent sur lui en le démolissant. Ils font tous la malade, ils sont même pas encore résidents. Mon petit frère faisait des conneries pour sortir, c'était pas évident. Sur la tête dans le guidon, ils veulent dormir entre deux tétés. Ils veulent prouver aux gens, après ils finissent tous endettés. Pas cash, mais pratiquanté, c'est conduit avec de la moula. Cash me pratiquante, c'est conduit avec de la moula. En robana, en Alicante. J't'arrache la tête, sa zone chargée dans la ville. Ouais, c'est pas la fête. Et les petits sont perdus, ils ont plus rien à perdre, tu connais. Ils sont sur un calibre avant de t'acheter un téléphone. Ils veulent tirer le thé, puis gérer. Veulent tirer le demain, ils veulent plus gérer. Ils veulent le réseau, ils veulent plus gérer. Il a perdu déjà, non, il l'a pas digéré. On se souvient plus trop de toi après ta mort. Celle qui pleure, ouais, ouais, c'est que ta mère. Ici, ouais, ça vit des trucs à corps. Y'a tout le monde qui te regarde de travers. Pas cash, mais trafiquanté, c'est conduit avec de la moula. En robana, en Alicante. Pas cash, mais trafiquanté, c'est conduit avec de la moula. En robana, en Alicante.